Chapitre 2. Histoire d'un médecin et d'une malle. Monsieur Silas Q. Scudamore était un jeune Américain d'un caractère simple et inoffensif, ce qui l'honorait d'autant plus qu'il venait de la Nouvelle-Angleterre, une partie du Nouveau Monde qui n'est pas précisément renommée pour de pareilles qualités. Bien qu'il fût excessivement riche, il tenait, sur un petit carnet de poche, le compte exact de ses dépenses et il avait fait le choix, pour s'initier au plaisir de Paris, d'un 7e étage, dans ce que l'on appelle un hôtel meublé au quartier latin. Il entrait beaucoup d'habitude dans sa parcimonie, et sa vertu, fort étonnante, vu le milieu où il se trouvait, était principalement fondée sur la défiance de soi et sur une grande jeunesse. La chambre voisine de la sienne était habitée par une dame, très séduisante d'allure et très élégante de toilette, qu'à son arrivée, il avait prise pour une comtesse. Par la suite, il apprit qu'elle était connue sous le nom de Zéphirine. Quelle que fût la situation qu'elle occupa dans le monde, ce n'était assurément pas celle d'une personne titrée. Madame Zéphirine, sans doute dans l'espoir de charmer le jeune Américain, avait pris l'habitude de le croiser sur l'escalier. Et là, après un signe de tête gracieux, un mot jeté, tout naturellement, et un regard fascinateur de ses yeux noirs, elle disparaissait avec un froufrou de soie, laissant apercevoir un pied, une cheville incomparable. Mais ses avances, bien loin d'encourager M. Scudamore, le plongeaient dans des abîmes de découragement et de timidité. Plusieurs fois, elle était venue chez lui demander de la lumière ou s'excuser des méfaits imaginaires de son caniche. Hélas, en présence d'une créature aussi supérieure, la bouche de l'innocent étranger restait close. Il oubliait son français et, jusqu'à ce qu'elle fût partie, ne savait plus couvrir de grands yeux et bégayer. Cependant, leur rapport, si fugitif, suffisait pour qu'il lançât parfois des insinuations dignes d'un fat lorsque, seul avec quelques camarades, il se sentait en sûreté. La chambre de l'autre côté de celle du jeune Américain, car il y avait 3 chambres par étage dans l'hôtel, était occupé par un vieux médecin anglais d'une réputation plutôt équivoque. Le docteur Noël, tel était son nom, avait été forcé de quitter Londres, où il jouissait d'une clientèle nombreuse et chaque jour croissante. On racontait que la police n'avait pas été étrangère à ce changement de résidence. En tout cas, lui qui avait jadis un certain rang, vivait maintenant au quartier latin, dans la solitude et avec la plus grande simplicité, consacrant la majeure partie de son temps à l'étude. Monsieur Scudamore avait fait sa connaissance et il leur arrivait de dîner frugalement ensemble dans un restaurant de l'autre côté de la rue. Silas Q. Scudamore, quoique vertueux, nous l'avons dit, avait nombre de petits défauts et, pour les satisfaire, ne reculait pas devant les moyens les plus répréhensibles. Le premier parmi ses vices, relativement véniels, était la curiosité. Il était bavard de naissance, la vie, et surtout tel côté de la vie dont on n'avait pas l'expérience, l'intéressait passionnément. Il questionnait avec audace, et l'opiniâtreté qu'il déployait dans ses enquêtes n'avait d'égal que son indiscrétion. Silas Scudamore était de ceux qui, lorsqu'il se charge de porter une lettre à la poste, la soupèse, la retourne dans tous les sens et en étudie avec soin la suscription. Il ne faut donc pas s'étonner si, ayant aperçu d'aventure une fente dans la cloison qui séparait sa chambre de celle de Madame Zéphirine, il se garda bien de la boucher, mais l'élargit au contraire et l'augmenta si bien qu'il put s'en servir comme d'un observatoire pour espionner les faits et gestes de sa voisine. Vers la fin de mars, sa curiosité augmentant à mesure qu'il la satisfaisait, il agrandit encore davantage l'ouverture de manière à pouvoir inspecter un autre coin de la chambre. Mais ce soir-là, lorsque, comme d'habitude, il voulut se mettre à surveiller les mouvements de Madame Zéphirine, Silas fut tout à coup étonné de trouver le trou bouché d'une singulière façon et encore plus honteux lorsque, l'obstacle ayant été subitement enlevé, un éclat de rire frappa son oreille. Quelque plâtras avait évidemment trahi son secret et sa voisine lui apprenait le proverbe « à bon chat, bon rat ». Ce Scudamore éprouva un sentiment de vive contrariété. Il blâma impitoyablement Madame Zéphirine et s'adressa même quelques reproches par la même occasion. Mais quand il s'aperçut le lendemain qu'on n'avait pris aucune précaution pour le priver de son passe-temps favori, il continua sans scrupule à profiter d'une négligence si favorable à sa frivole curiosité. Le jour suivant, Madame Zéphirine reçut la visite d'un homme grand et fortement charpenté, d'une cinquantaine d'années ou peut-être davantage, que Silas n'avait encore jamais vu. Son costume de tweed et sa chemise de couleur, non moins que ses favoris hérissés, indiquaient un Anglais. Son œil gris et morne produisit sur Silas une sensation de froid. Pendant tout l'entretien, qui eut lieu à voix basse, le jeune Américain resta l'oreille tendue, la figure plaquée contre l'ouverture traîtresse. Plus d'une fois, il lui sembla que les gestes des deux interlocuteurs désignaient son propre appartement. Mais la seule phrase complète qu'il put recueillir, en y apportant une scrupuleuse attention, fut cette remarque, faite par l'Anglais sur un ton un peu plus haut, comme s'il eût combattu quelque hésitation, quelque refus. « J'ai étudié ses goûts à fond et je vous répète que vous êtes l'unique femme sur laquelle je puisse compter. » Pour toute réponse, Madame Zéphirine prit l'air triste et résigné d'une personne qui cède à une autorité absolue. Cet après-midi-là, l'observatoire fut définitivement masqué par une armoire placée de l'autre côté. Pendant que Silas se lamentait sur cette infortune qu'il attribuait à une jalouse suggestion de l'Anglais, le concierge lui apporta une lettre d'une écriture féminine. Elle était conçue en français, d'une orthographe peu rigoureuse, et, dans les termes les plus engageants, invitait l'Américain à se trouver vers 11 h le même soir dans un endroit indiqué du balbulier. La curiosité et la timidité se combattirent longtemps dans son cœur. Tantôt il n'était que vertu puritaine, tantôt il se sentait tout feu et tout audace. Le résultat de cette lutte intéressante fut que, longtemps avant 10 h, M. Silas Kioskudamore, dans une tenue irréprochable, se présenta à la porte des salons de Bullier et paya son entrée avec un sentiment de hardiesse libertine qui ne manquait pas de charme. On était en plein carnaval, le bal était nombreux et bruyant. D'abord, les lumières et la foule intimidèrent notre jeune aventurier. Mais bientôt, ses influences, lui montant à la tête comme une sorte d'ivresse, le rendirent au contraire plus vaillant qu'il ne l'avait jamais été. Il se sentait prêt à affronter le démon en personne et pénétra fièrement dans la salle de bal avec la crânerie d'un mauvais sujet. Pendant qu'il se pavanait ainsi, il aperçut Madame Zéphirine et son Anglais en conférence derrière une colonne. Son instinct félin d'espionnage le ressaisit aussitôt. À pas de loup, il se glissa par derrière, plus près du couple, plus près encore, jusqu'à ce qu'il fût à portée d'entendre. « Voilà l'homme, disait l'Anglais, là-bas, avec de longs cheveux blonds, parlant à cette fille en vert. » Silas remarqua un charmant garçon de petite taille qui, évidemment, était l'objet de cette désignation. « C'est bien, dit Madame Zéphirine, je ferai de mon mieux. Mais souvenez-vous-en, les plus adroites peuvent échouer en pareille occurrence. »« Bah, répliqua son compagnon, je réponds du résultat. Ne vous ai-je pas choisi entre 30 ? Allez, mais méfiez-vous du prince. Je ne puis comprendre quelle maudite chance l'a amené ici cette nuit. » Comme s'il n'y avait pas à Paris une douzaine de balles plus dignes de sa présence que cette orgie d'étudiants et de sauteuses de comptoir. Regardez-le, assis là-bas, plus semblable à un empereur rendant la justice qu'à une altesse en vacances. Cette fois encore, Silas eut du bonheur. Il aperçut un personnage assez corpulent, d'une beauté de traits remarquable et d'un aspect majestueux, mais affable. Assis devant une table, en compagnie d'un autre homme de quelques années plus jeune, qu'il entretenait avec une visible déférence. Le nom de « prince » sonna agréablement aux oreilles républicaines de Silas, et celui à qui ce titre était donné exerça sur lui un charme particulier. Il laissa Madame Zéphirine et son Anglais se suffire l'un à l'autre, et, coupant à travers la foule, s'approcha de la table que le prince et son confident avaient honorée de leur choix. « Je vous déclare, Géraldine, disait le premier, que c'est pure folie. Vous-même, je suis aise de m'en souvenir, avez choisi votre frère pour cette mission périlleuse. Vous êtes donc tenu en conscience de surveiller sa conduite. Il a consenti de s'arrêter trop longtemps à Paris. Ceci déjà était une imprudence, si l'on considère le caractère de l'homme contre lequel il doit lutter. Mais maintenant, qu'il est à 48 heures de son départ et à 2 ou 3 jours de l'épreuve décisive, je vous le demande, est-ce ici l'endroit où il doit passer son temps? Sa place serait plutôt dans une salle d'armes à se faire la main. Il devrait dormir de longues heures et s'imposer un exercice modéré. Il devrait se mettre à une diète rigoureuse, ne boire ni vin blanc ni liqueur. Le gaillard s'imagine-t-il que nous jouons tous une comédie? La chose est terriblement sérieuse, Géraldine. » « Je connais trop mon frère pour intervenir, » répliqua le colonel. « Je lui ferai injure en m'alarmant. Il est plus circonspect que vous ne pensez et d'une fermeté indomptable. S'il s'agissait d'une femme, je n'en dirais pas autant, mais je lui ai confié le président sans une minute d'appréhension, d'autant qu'il y a 2 hommes pour lui prêter main forte. « Eh bien, dit le prince, votre confiance ne suffit pas à me tranquilliser. » Les 2 prétendus domestiques sont des policiers émérites. Et pourtant, le misérable n'a-t-il pas déjà 3 fois réussi à tromper leur surveillance? Il a pu passer plusieurs heures en affaires secrètes et probablement fort dangereuses. Non, non, ne croyez pas que ce soit le hasard. Cet homme sait ce qu'il fait et a en lui-même des ressources exceptionnelles. Je pense que l'affaire relève maintenant de mon frère et de moi-même, répondit Géraldine avec une nuance de dépit dans la voix. Je permets qu'il en soit ainsi, colonel, répartit le prince. Peut-être devriez-vous, justement pour cette raison, accepter mes conseils. Mais en voilà assez. Cette petite enjeune danse bien. Et la conversation revint aux sujets habituellement traités dans un bal de carnaval à Paris. Le souvenir de l'endroit où il était revint à Silas. Il se rappela que l'heure du rendez-vous était proche. Plus il y réfléchissait, moins il en aimait la perspective, et un remous du public l'ayant poussé, au moment même, dans la direction de la porte, il se laissa entraîner sans résistance. La houle humaine le fit échouer dans un coin, sous une galerie, où son oreille fut immédiatement frappée par le son de la voix de Madame Zéphirine. Elle causait en français avec le jeune homme blond qui lui avait été signalé par l'étrange anglais moins d'une demi-heure auparavant. « J'ai une réputation à ménager, disait-elle. Sans cela, je n'y mettrai pas d'autres conditions que celles qui me sont dictées par mon cœur. Mais vous n'avez qu'à dire ces mots au concierge, et il vous laissera passer. »« Pourquoi diable cette histoire de dette ? » objecta son compagnon. « Bon, s'écria Zéphirine, pensez-vous que je ne sache pas manœuvrer dans mon hôtel ?» Et elle passa, tendrement suspendue au bras du jeune homme. Ceci rappela d'une façon troublante à Silas Cudamore le billet qu'il avait reçu. « Dans 10 minutes !» se dit-il. « Pourquoi pas ?»« Dans 10 minutes, il se peut que je me promène avec une femme non moins belle que celle-ci, mieux mise même, avec une vraie grande dame, cela s'est vu, avec une dame titrée. » Mais il se souvint de l'orthographe et fut un peu découragé. Il est possible qu'elle ait fait écrire par sa femme de chambre, pensa-t-il. L'aiguille de l'horloge n'était plus qu'à quelques secondes de l'heure fixée. Chose singulière, l'approche d'un si grand honneur, d'un si grand plaisir, lui procura un battement de cœur désordonné, plutôt pénible. Enfin, il se dit, avec un soupir de soulagement, qu'il n'était en aucune manière tenu de se montrer. La vertu et la lâcheté étaient d'accord. De nouveau, il se dirigea vers la porte, mais cette fois de son propre mouvement et en bataillant contre la foule qui se portait dans la direction contraire. Peut-être cette résistance prolongée l'énerva-t-il, ou bien peut-être était-il dans cette disposition d'esprit où le seul fait de poursuivre le même dessein pendant un certain nombre de minutes amène une réaction et un projet différent. Ce qui est certain, c'est que, pour la 3e fois, il fit volte-face et ne s'arrêta que lorsqu'il eut trouvé une place où il put se dissimuler, à quelques pas de celle du rendez-vous convenu. Là, il passa par une véritable agonie d'esprit pendant laquelle, à plusieurs reprises, Il prie à Dieu de lui venir en aide, car Silas avait été dévotement élevé. À ce point de sa bonne fortune, il n'avait plus le moindre désir de rencontrer la dame. Rien ne l'eût empêché de fuir, n'eût été la sotte crainte d'être jugé poltron. Mais cette crainte était si puissante qu'elle l'emporta sur toutes les autres considérations. Quoiqu'elle ne pût le décider à avancer, elle l'empêcha du moins de se sauver définitivement. À la fin, l'horloge indiqua que l'heure était dépassée de 10 minutes. Le jeune Scudamore, reprenant ses esprits, regarda furtivement de son coin et ne vit personne à l'endroit désigné. Sans doute, sa correspondante inconnue s'était lassée et avait dû partir. Il devint alors aussi fanfaron qu'il avait été craintif jusque-là. Il lui sembla que s'il paraissait au milieu du rendez-vous, fût-ce tardivement, il échapperait aux reproches de lâcheté. Maintenant, il soupçonnait même une plaisanterie et se complimenta sur la finesse avec laquelle il avait deviné et dépisté ses mystificateurs. Tellement vaine est la cervelle d'un adolescent! Enhardi par ses réflexions, il sortit bravement de son encoignure, mais il n'avait pas fait plus de 2 pas qu'une main se posait sur son bras. Silas se retourna et vit une femme robuste, imposante et de traits altiers, mais sans aucune sévérité dans le regard. « Je crois que vous êtes un séducteur bien sûr de lui-même, dit-elle, car vous vous faites attendre. N'importe, j'étais décidée à vous rencontrer. Quand une femme s'est une fois oubliée jusqu'à faire les premières avances, il y a longtemps qu'elle a laissé de côté toute fausse pudeur. La haute taille et les attraits volumineux de sa conquête, ainsi que la façon soudaine dont elle était tombée sur lui, avaient ahuri Silas, mais la dame le mit bien vite à son aise. Elle était singulièrement expansive et engageante, le poussant à faire des plaisanteries et applaudissant ses moindres mots. Bref, en très peu de temps, grâce à ses paroles enjôleuses et à des libations de punch, elle l'amena non seulement à se croire amoureux, mais à déclarer sa passion dans les termes les plus vifs. « Hélas !» répondit-elle, « je ne sais si je ne dois pas déplorer ce moment. Quelque plaisir que me fasse votre aveu. Jusqu'ici, j'étais seule à souffrir. Maintenant, pauvre enfant, nous serons deux. Je ne suis pas maîtresse de mes actes. Je n'ose vous demander de venir chez moi, car je suis surveillée par des yeux jaloux. Laissez-moi réfléchir, ajouta-t-elle. Je suis plus âgée que vous, quoique tellement plus faible. Et tout en me fiant à votre courage et à votre résolution, il faut que je vous fasse profiter de mon expérience du monde. » Elle le questionna sur l'hôtel meublé où il logeait, puis sembla se recueillir. « Je vois, dit-elle enfin, vous serez loyal et obéissant, n'est-ce pas ? » Silas protesta avec ardeur de sa soumission à ses moindres caprices. « Alors, dans la nuit de demain, continua-t-elle avec un sourire encourageant, vous resterez chez vous toute la soirée. Si quelque ami vient vous voir, renvoyez-le aussitôt sous un prétexte. Votre porte est probablement fermée vers 10 heures, ajouta-t-elle. À 11 heures, répondit Silas. À 11h15, poursuivit l'inconnu, sortez de la maison. Demandez simplement la porte et surtout ne parlez pas au concierge, car cela ferait tout manquer. Allez droit au coin où le jardin du Luxembourg rejoint le boulevard. Là, vous me trouverez vous attendant. Je compte sur vous pour suivre mes indications de point en point. Et souvenez-vous que si vous y manquez par le plus petit détail, vous apporterez le trouble dans l'existence d'une femme dont la seule faute est de vous avoir vue et de vous avoir aimée. « Je ne puis comprendre l'utilité de toutes ces instructions, » dit Silas. « Je crois que vous commencez déjà à parler en maître, » s'écria-t-elle en lui donnant un coup d'éventail sur le bras. « Patience, patience, cela viendra en son temps. Une femme aime à être obéie d'abord, bien que plus tard elle mette son bonheur à obéir elle-même. » « Faites comme je vous en prie, pour l'amour du ciel, je ne réponds de rien. » « En vérité, ajouta-t-elle, de l'air de quelqu'un qui entrevoit une nouvelle difficulté. À force d'y songer, je découvre un plan meilleur pour vous débarrasser des visites importunes. Dites au concierge de ne recevoir âme qui vive, excepté une personne qui pourra venir dans la soirée vous réclamer le paiement d'une dette et parler avec émotion, comme si vous redoutiez cette entrevue, de façon à ce qu'il puisse prendre vos paroles au sérieux. « Je pense que vous pouvez vous fier à moi pour vous défendre contre les intrus, » dit-il, non sans une petite pointe de susceptibilité. « Voilà comment je préfère que la chose soit arrangée, » répondit-elle froidement. « Je vous connais, vous autres hommes. Pour vous, la réputation d'une femme ne compte pas. » Silas rougit, baissa la tête, car, en effet, le projet qu'il avait formé devait lui procurer une petite satisfaction de vanité vis-à-vis de ses connaissances. « Avant tout, ajouta-t-elle, ne parlez point au concierge quand vous sortirez. »« Et pourquoi ? De toutes vos recommandations, celle-ci me semble la moins essentielle. » »« Au commencement, vous avez douté de la sagesse des autres précautions que maintenant vous jugez comme moi nécessaires, » répliqua la dame. « Fiez-vous à ma parole, celle-ci a également son utilité. Et que penserais-je de votre amour si, dès la première entrevue, vous me refusiez de semblables bagatelles ?» Silas se confondit en explications et en excuses, au milieu desquelles, regardant l'horloge et joignant les mains, la dame poussa un cri étouffé. « Ciel ! » murmura-t-elle, « est-il si tard ? Je n'ai pas un instant à perdre. Hélas, pauvre femme, quels esclaves nous sommes. Que de risques n'ai-je pas déjà couru pour vous ? » Après lui avoir répété ses instructions, qu'elle entremêlait savamment de caresses et de regards langoureux, elle lui dit adieu et disparut dans la foule. Toute la journée du lendemain, Silas fut gonflé du sentiment de son importance. Maintenant, il en était sûr, c'était une comtesse. Quand le soir arriva, il obéit minutieusement à ses ordres et fut, à l'heure fixée, au coin du jardin du Luxembourg. Il n'y avait personne. Il attendit, près d'une demi-heure, dévisageant chaque passant et chaque flâneur. Il visita même les coins environnants du boulevard et fit tout le tour de la grille du jardin. Mais aucune belle comtesse n'était là, prête à se jeter dans ses bras. Enfin, bien à contre-cœur, il revint sur ses pas et se dirigea vers l'hôtel. Chemin faisant, il se souvint des paroles qu'il avait surprises entre Madame Zéphirine et le jeune homme blond. Elles lui causèrent un vague malaise. « Il paraît, se dit-il, que tout le monde s'entend pour débiter des mensonges à notre portier. » Il tira la sonnette, la porte s'ouvrit devant lui, et le concierge, en vêtements de nuit, vint lui offrir une lumière. « Est-il parti ? » demanda cet homme en même temps. « Qui ? Que voulez-vous dire ? » répondit Silas d'un ton sec, car il était irrité de sa mésaventure. « Je ne l'ai pas vu sortir, » continua le concierge, « mais j'espère que vous l'avez payé. Nous ne tenons pas dans la maison à avoir des locataires endettés. » « Que le diable m'emporte ? » dit brutalement Silas. « Si je comprends un traître mot à votre galimatien, de qui parlez-vous ? » « Je parle du petit monsieur blond venu pour sa créance, » répliqua le bonhomme. « C'est de lui que je parle. De qui cela pourrait-il être, puisque j'avais reçu vos ordres de ne laisser entrer aucun autre ? » ?»« Mais grand Dieu, il n'est pas venu, je suppose. »« Je sais ce que je sais. » reprit le portier en faisant claquer sa langue contre sa joue d'un air passablement goguenard. « Vous êtes un insolent coquin !» riposta Silas. Et, sentant qu'il montrait une mauvaise humeur tout à fait ridicule, affolé de terreur en même temps, sans bien savoir pourquoi, il se retourna et se mit à monter l'escalier en courant. « Vous n'avez donc pas besoin de lumière ?» cria le portier. Mais Silas ne s'arrêta que sur le palier du 7e étage, devant sa propre porte. Là, il reprit haleine, assailli par les plus funestes pressentiments et redoutant presque d'entrer dans sa chambre. Lorsqu'enfin il s'y décida, il éprouva un soulagement en la trouvant sombre et, selon toute apparence, vide. Enfin, il était donc de retour chez lui, en sûreté. Cette première folie serait la dernière. Les allumettes étaient sur une petite table près de son lit et il se mit à marcher, à tâtons, dans cette direction. Comme il avançait, ses craintes lui revinrent de nouveau et, son pied rencontrant un obstacle, il fut heureux de constater que ce n'était rien de plus effrayant qu'une chaise. Enfin, il effleura des rideaux. D'après la situation de la fenêtre, qui était faiblement visible, il reconnut qu'il devait se trouver au pied du lit et qu'il n'avait qu'à continuer le long de ce lit pour atteindre la table en question. Il abaissa la main, mais ce qu'il toucha n'était pas seulement une courte pointe, c'était une courte pointe avec quelque chose dessous, ayant la forme d'une jambe humaine. Silas retira son bras et s'arrêta, pétrifié. « Qu'est-ce donc ? » se dit-il. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il écouta, anxieusement. On n'entendait aucun bruit de respiration. De nouveau, par un grand effort de volonté, il étendit le bout de son doigt jusqu'à l'endroit qu'il avait déjà touché. Mais cette fois, il fit un bond en arrière, puis resta cloué au sol, frissonnant de terreur. Il y avait quelque chose dans le lit. Ce que c'était, il n'en savait rien, mais quelque chose était là. Plusieurs secondes s'écoulèrent sans qu'il pût remuer. Alors, guidé par un instinct, il tomba droit sur les allumettes et, tournant le dos au lit, alluma un flambeau. Aussitôt que la flamme eut brillé, il se retourna lentement et regarda ce qu'il craignait de voir. En vérité, ses pires imaginations étaient réalisées. La couverture, soigneusement remontée sur l'oreiller, dessinait les contours d'un corps humain gisant, inerte. Il rejeta de côté les draps. Le jeune homme blond, qu'il avait vu la nuit précédente au balbulier, lui apparut, les yeux ouverts et sans regard, la figure enflée, noircie, un léger filet de sang coulant de ses narines. Silas poussa un long et douloureux gémissement, laissa échapper le flambeau et tomba à genoux près du lit. Il fut tiré de la stupeur dans laquelle l'avait plongé cette horrible découverte par des coups discrets frappés à la porte. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler sa situation et, lorsqu'il se précipita pour empêcher qui que ce fût d'entrer, il était déjà trop tard. Le docteur Noël, coiffé d'un haut bonnet de nuit, portant une lampe qui éclairait sa longue silhouette blanche, regardant à droite, à gauche, avec des mouvements de tête qui faisaient songer à quelque grand oiseau, poussa doucement la porte, puis se glissa jusqu'au milieu de la chambre. « J'ai cru entendre un cri, » commença le docteur, « et, craignant que vous ne fussiez souffrant, je n'ai pas hésité à me permettre cette indiscrétion. » Silas, la figure bouleversée, se tenait entre le docteur et le lit, mais ne trouvait pas la force de répondre. « Vous êtes dans l'obscurité, » poursuivit le docteur, « et vous n'avez même pas commencé à vous déshabiller. Vous ne me persuaderez pas aisément contre toute apparence que vous n'ayez besoin en ce moment ni d'un ami ni d'un médecin. Voyons lequel des deux doit se mettre à votre service. Laissez-moi vous tâter le pouls. Il est souvent l'indice certain de l'état du cœur. » Le docteur s'avança vers Silas, qui continuait à reculer devant lui, et essaya de le saisir par le poignet. Mais la tension des nerfs du jeune Américain était devenue insupportable. Il s'échappa d'un mouvement fébrile, se jeta sur le parquet, éclata en sanglots. Aussitôt que le docteur Noël aperçut le cadavre sur le lit, sa figure s'assombrit. Courant vers la porte qu'il avait laissée entr'ouverte, il la ferma vivement à double tour. « Debout ! » cria-t-il à Silas d'un ton de commandement. « Ce n'est pas l'heure de pleurer. Qu'avez-vous fait ? Comment ce corps est-il dans votre chambre ? Parlez franchement à un homme qui saura vous aider. Croyez-vous que ce morceau de chair morte sur votre oreiller puisse diminuer en quoi que ce soit la sympathie que vous m'avez inspirée ? Non. L'odieux qu'une loi injuste et aveugle attache à certaines actions ne retombe pas sur les auteurs aux yeux de quiconque aime celui-là. Si je voyais un ami revenir vers moi à travers des flots de sang, mon affection pour lui n'en serait nullement altérée. Relevez-vous ! répéta-t-il. Le bien et le mal sont des chimères. Il n'y a rien dans la vie, si ce n'est la fatalité. Et quoi qu'il arrive, quelqu'un est auprès de vous qui vous soutiendra jusqu'à la fin. Ainsi encouragé, Silas rassembla ses forces et, d'une voix entrecoupée, réussit enfin, grâce aux questions du docteur, à expliquer les faits tant bien que mal. Cependant, il omit le colloque entre le prince et Géraldine, ayant à peine saisi le sens de cet entretien et ne pensant guère qu'il pût avoir quelque rapport avec son propre malheur. « Hélas !» s'écria le docteur, « ou je me trompe fort, ou vous êtes tombé entre les mains les plus dangereuses de toute l'Europe. Pauvre, pauvre garçon, quel abîme a été creusé devant votre crédulité ! Vers quel mortel péril vos pas imprudents ont-ils été conduits ? Cet homme, cet Anglais que vous avez vu deux fois et que je soupçonne être l'âme de cette ténébreuse affaire, pouvez-vous me le décrire ? Était-il jeune ou vieux, grand ou petit ? Mais Silas, qui malgré toute sa curiosité était incapable de la moindre remarque judicieuse, ne put fournir aucun renseignement, en dehors de généralités insignifiantes, d'après lesquelles il était impossible de reconnaître quelqu'un. « Je voudrais que ceci fût dans le programme d'éducation de toutes les écoles !» s'écria le docteur avec rage. « À quoi servent la vue et la parole si un homme n'est pas capable ni d'observer ni de se souvenir des traits de son ennemi ? Moi, qui connais tous les antres de l'Europe, j'aurais pu fixer son identité et acquérir de nouvelles armes pour votre défense. Cultivez cet art dans l'avenir, mon pauvre enfant, vous en retirerez d'énormes avantages. » « L'avenir ? » répéta Silas. « Quel avenir m'est réservé, sauf les galères ?»« La jeunesse est toujours lâche, » répliqua le docteur, « et à chacun ses propres difficultés paraissent plus grosses qu'elles ne le sont en effet. Je suis vieux, moi, et cependant je ne désespère jamais. Puis-je raconter une semblable histoire à la police ?» demanda Silas. « Assurément non, » répondit le docteur. « D'après ce que je vois de la machination dans laquelle vous êtes pris, votre cas de ce côté-là serait désespéré. Pour des juges vulgaires, vous êtes le coupable. Et souvenez-vous que nous ne connaissons qu'une partie du complot. Les mêmes artisans infâmes ont dû combiner maintes autres circonstances qui, mises au jour par une enquête de police, rejetteraient le crime encore plus sûrement sur votre innocence. » « Alors je suis perdue, en vérité ?»« Je n'ai pas dit cela, » répliqua le docteur Noël, « car je suis un homme prudent. »« Mais regardez, » sanglota Silas en montrant le cadavre. « Là, dans mon lit, cette chose, impossible à expliquer, impossible à voir sans horreur. »« Sans horreur, dites-vous ? Non. » Quand cette sorte d'horloge s'arrête, ce n'est plus pour moi qu'une ingénieuse pièce de mécanique bonne à fouiller au scalpel. Lorsque le sang est une fois figé, ce n'est plus du sang humain. Lorsque la chair est morte, elle n'est plus cette chair que nous désirons chez nos maîtresses et que nous respectons chez nos amis. La grâce, le charme, la terreur, tout en est sorti avec l'esprit qui l'animait. Habituez-vous à contempler cela tranquillement, car si mon projet est praticable, il vous faudra vivre plusieurs jours en compagnie constante avec ce qui, à cette heure, vous effraie. « Votre projet ? » s'écria Silas. « Quel est-il ? Dites-le-moi vite, docteur, car il me reste à peine assez de courage pour continuer à vivre. » Sans répondre, le docteur Noël s'approcha du lit et se mit à palper le cadavre. « Absolument mort, » murmura-t-il. « Oui, ainsi que je le supposais, les poches vides, le chiffre de la chemise coupé, leur œuvre a été accomplie tout entière. Heureusement, il est de petite taille. » Silas recueillait ses paroles avec une ardente anxiété. Son examen terminé, le docteur prit une chaise et s'adressa au jeune homme en souriant. « Depuis que je suis dans cette chambre, » dit-il, « bien que mes oreilles et ma langue aient été si occupées, mes yeux ne sont pas restés inactifs. J'ai remarqué tout à l'heure que vous aviez là, dans un coin, une de ces monstrueuses constructions que vos compatriotes emportent avec eux dans toutes les parties du globe. En un mot, une malle de Saratoga. Jusqu'à présent, je n'avais jamais pu deviner l'utilité de ces monuments, mais aujourd'hui, je commence à la soupçonner. Était-ce pour plus de commodité dans la traite des esclaves? Était-ce pour obvier aux conséquences d'un emploi trop prompt du couteau, je ne sais, mais je vois clairement la chose. Le but d'une pareille caisse est de contenir un corps humain. En vérité, s'écria Silas, ce n'est pas le moment de plaisanter. Bien que je m'exprime avec une sorte de gaieté, répliqua le docteur, le sens de mes paroles est extrêmement sérieux. Et la première chose que nous ayons à faire, mon jeune ami, est de débarrasser votre coffre de tout ce qu'il contient. Silas céda docilement à l'autorité du docteur Noël. La malle de Saratoga, une fois vidée, ce qui produisit un désordre considérable sur le plancher, le cadavre fut retiré du lit, Silas le prenant par les talons et le docteur le tenant par les épaules, puis, après quelques difficultés, on le plia en deux et on l'inséra tout entier dans le coffre. Grâce à un effort vigoureux des deux hommes, le couvercle se rabattit sur ce singulier bagage et la caisse fut fermée, cadenassée, cordée par la propre main du docteur, pendant que Silas chargeait tout ce qu'elle avait contenu dans un cabinet et dans la commode. « Maintenant, dit le docteur, le premier pas vers la délivrance est fait. Demain, ou plutôt aujourd'hui, votre tâche sera d'apaiser les soupçons de votre portier en lui payant tout ce que vous devez. Pendant ce temps, vous pourrez vous fier à moi pour prendre d'autres dispositions nécessaires. En attendant, accompagnez-moi dans ma chambre, où je vous donnerai un narcotique indispensable, car quoi que vous deviez faire, il vous faut du repos. » La journée suivante fut la plus longue dont Silas put se souvenir. Il semblait qu'elle ne dût jamais s'achever, cette journée maudite. L'Américain défendit sa porte et s'assit à l'écart, les yeux fixés sur la malle de Saratoga, dans une lugubre contemplation. Ses anciennes indiscrétions lui furent rendues avec usure. Le trou dans la muraille ayant été ouvert de nouveau, il eut conscience d'une surveillance presque continuelle dirigée sur lui de l'appartement de Madame Zéphirine. Ce sentiment d'être épié devint même si pénible qu'à la fin il se vit obligé de boucher l'ouverture de son côté. Lorsque, par ce moyen, il fut à l'abri de tout regard importun, Scudamour passa son temps en larmes de repentir et en prière. La soirée était fort avancée quand le docteur Noël entra dans la chambre, portant à la main deux enveloppes cachetées, sans adresse, l'une plutôt volumineuse, l'autre si mince qu'elle semblait vide. « Silas, dit-il en s'asseyant devant la table, le moment est venu de vous expliquer le plan que j'ai formé pour vous sauver. Demain matin, de très bonne heure, le prince Florizel de Bohême retourne à Londres après avoir passé quelques jours dans le tourbillon du carnaval parisien. Il m'a été donné, il y a longtemps déjà, de rendre au colonel Géraldine, son écuyer, un de ses services, si fréquents dans ma profession, et qui ne sont jamais oubliés ni d'un côté ni de l'autre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la nature de l'obligation sous laquelle il se trouve, qu'il me suffise de dire que je le sais prêt à m'aider de toute manière. Or, il était urgent que vous puissiez gagner Londres sans que votre malle fût ouverte. À cela, n'est-ce pas, la douane semblait opposer une difficulté insurmontable. Mais il me revint à l'esprit que, par courtoisie, les bagages de l'héritier d'un trône devaient être exempts de la visite ordinaire. Je m'adressai au colonel Géraldine et obtins une réponse favorable. « Demain, si vous vous trouvez avant 6 heures à l'hôtel où demeure le prince, vos bagages seront transportés avec les siens, dont ils sembleront faire partie, et vous-même ferez le voyage comme membre de la suite de son Altesse. » « Je crois que j'ai déjà vu le prince de Bohême et le colonel Géraldine. J'ai même entendu par hasard une partie de leur conversation l'autre soir, au Balbulier. C'est possible, car le prince veut connaître tous les milieux. Une fois arrivé à Londres, votre tâche est presque terminée. Dans cette grosse enveloppe, j'ai remis une lettre que je n'ose adresser à son destinataire, mais dans l'autre, vous trouverez la désignation de la maison où vous devez porter cette lettre avec votre malle, qui vous sera alors enlevée et ne vous embarrassera pas davantage. « Hélas, dit Silas, j'ai un vif désir de vous croire, mais comment serait-ce possible? Vous m'ouvrez une perspective irréalisable, je le crains bien. Soyez généreux, faites-moi mieux comprendre votre dessein. » Le docteur Noël parut péniblement impressionné. « Enfant, répondit-il, vous ne savez pas quelle cruelle chose vous me demandez. N'importe qu'il en soit ainsi. Je suis aguerri désormais contre l'humiliation, et il serait étrange de vous refuser cela après vous avoir tant accordé. Sachez donc que, bien que je sois maintenant d'apparence si tranquille, sobre, solitaire, adonné à l'étude, mon nom, quand j'étais plus jeune, servait de cri de ralliement aux esprits les plus hardis et les plus dangereux de Londres. Pendant qu'extérieurement j'étais entouré de respect, ma véritable puissance s'appuyait sur les relations les plus secrètes, les plus terribles, les plus criminelles. C'est à un de ceux qui m'obéissaient alors que je m'adresse aujourd'hui pour vous délivrer de votre fardeau. Ces hommes étaient de nationalités et d'aptitudes diverses, mais tous liés par un serment formidable, tous agissaient dans le même but. Ce but était l'assassinat. Et moi qui vous parle, j'étais, si peu que j'en ai eu l'air, le chef de cette bande redoutable. « Quoi ? » s'écria Silas. « Un assassin ? Et un assassin pour qui le meurtre était un métier ? Puis-je toucher votre main désormais ? Dois-je même accepter vos services ? Vieillard sinistre ! Voudriez-vous abuser de ma détresse pour vous gagner un complice ? » Le docteur se mit à rire amèrement. « Vous êtes difficile à contenter, monsieur Scudamore, dit-il. Soit, je vous laisse le choix entre la société de l'assassiné et celle d'un assassin. Si votre conscience est trop timorée pour accepter mon aide, dites-le, et je vous quitte sur le champ. Dorénavant, vous pourrez agir avec votre caisse et son contenu comme il conviendra le mieux à votre âme délicate. Je reconnais mes torts, répliqua Silas. J'aurais dû me souvenir de la générosité avec laquelle vous avez offert de me protéger avant même que je ne vous eusse convaincu de mon innocence. Pardon. Je continuerai à écouter vos conseils et en être reconnaissant. C'est bien, répondit le docteur. Vous commencez à profiter des leçons de l'expérience. Mais, reprit l'Américain, puisque vous êtes, d'après votre propre aveu, habitué à ces besognes tragiques, puisque les gens auxquels vous me recommandez sont vos anciens associés et vos amis, ne pourriez-vous, monsieur, vous charger vous-même du transport de la malle et me délivrer tout de suite de sa présence abhorrée ? Par ma foi, répliqua le docteur, je vous admire, jeune homme. Si vous trouvez que je ne me suis pas déjà suffisamment mêlé de vos affaires, moi, du fond du cœur, je pense le contraire. Prenez ou dédaignez mes services tels que je les offre, et ne m'ennuyez pas davantage avec vos remerciements, car je fais encore moins de cas de votre estime que de votre intelligence. Un temps viendra où, s'il vous est donné de vivre sain d'esprit un certain nombre d'années, vous jugerez différemment tout ceci et rougirez de votre conduite de cette nuit. » En prononçant ces mots, le docteur se leva, répéta brièvement et clairement ses indications, puis quitta la chambre sans laisser à Silas le temps de répondre. Le lendemain matin, Silas Scudamore se présenta à l'hôtel, où il fut poliment reçu par le colonel Géraldine, et délivré de toute crainte immédiate au sujet de la malle et de son hideux contenu. Le voyage se passa sans incident, quoique le jeune homme fût terrifié d'entendre les matelots et les porteurs du chemin de fer se plaindre entre eux du poids extraordinaire des bagages. Silas monta dans la voiture de suite, le prince voyageant seul avec son écuyer. À bord du paquebot, cependant, Florizel remarqua l'attitude mélancolique de ce jeune homme, debout, en contemplation devant une pile de malles. « Voilà un individu, dit-il, qui doit avoir quelque sujet de chagrin. C'est l'Américain pour lequel j'ai obtenu la permission de voyager avec votre suite, répondit Géraldine. Vous me rappelez que j'ai manqué de courtoisie, dit le prince. S'avançant vers Silas, avec la plus parfaite urbanité, il lui adressa la parole. J'ai été charmé, monsieur, de pouvoir satisfaire le désir que vous m'avez fait exprimer par le colonel Géraldine. Après cette entrée en matière, il lui fit quelques questions sur la situation politique de l'Amérique, auxquelles Silas répondit avec tact et bon sens. « Vous êtes encore un très jeune homme, » dit le prince. « Je vous trouve bien sérieux pour votre âge. Peut-être laissez-vous votre esprit s'absorber outre mesure par des études ardues ? Mais peut-être, d'autre part, suis-je moi-même indiscret en touchant à quelques sujets pénibles ? J'ai, en effet, une excellente raison pour être au désespoir, dit Silas. Jamais un être plus innocent que moi ne fut plus abominablement trompé. Je ne veux pas forcer vos confidences, répliqua Florizel, mais n'oubliez pas que la recommandation du colonel Géraldine est un passeport assuré et que je suis non seulement désireux de vous rendre service à l'occasion, mais peut-être plus en état que beaucoup d'autres de le faire. Silas fut charmé de l'amabilité d'un si grand personnage. Néanmoins, son esprit revint bientôt à ses sombres préoccupations, car rien, pas même la courtoisie d'un prince à l'égard d'un républicain, ne peut décharger de ses soucis un cœur souffrant. Le train arriva à Charing Cross. La douane eut les égards habituels pour l'auguste bagage. Des voitures attendaient, et Silas fut conduit, en même temps que toute la suite, à la résidence du prince. Là, le colonel Géraldine alla le chercher et lui exprima sa satisfaction d'avoir pu obliger un ami du docteur Noël, pour lequel il professait la plus haute considération. « J'espère, ajouta-t-il, que vous ne trouverez aucune de vos porcelaines brisées. Des ordres spéciaux ont été donnés le long de la ligne afin que les bagages de son Altesse fussent traités avec précaution. » Puis, commandant au domestique de mettre une voiture à la disposition du jeune homme, le colonel lui serra la main et s'en alla vaquer au devoir de sa charge. Alors, Silas ouvrit l'enveloppe qui cachait l'adresse de son protecteur inconnu et dit au majestueux laquais de le conduire à Boxcourt, du côté du Strand. L'endroit n'était probablement pas inconnu à celui-ci, car il parut stupéfait et se fit répéter l'ordre en question. Ce fut l'âme pleine d'alarmes poignantes que Silas monta dans le carrosse princier et fut mené à destination. L'entrée de Boxcourt était trop étroite pour le passage d'une voiture. C'était un simple chemin de piétons entre deux barrières avec une borne à chaque bout. Sur l'une de ces bornes était assis un homme qui aussitôt sauta à terre et échangea un signe amical avec le cocher pendant que le valet de pied ouvrait la portière et demandait à Silas s'il devait descendre la malle et à quel numéro elle devait être portée. « S'il vous plaît, dit Silas, au numéro 3. » Le valet de pied et l'homme qui venait de quitter la borne eurent beaucoup de peine, même avec l'aide de Silas, à transporter la caisse. Avant qu'on l'eût déposée devant la porte du numéro 3, le jeune Américain fut terrifié de voir une vingtaine de badauds le considérer d'un œil curieux. Cependant, il souleva le marteau en gardant la meilleure contenance possible et présenta la seconde enveloppe à celui qui vint lui ouvrir. « Il n'est pas à la maison, monsieur. Si vous voulez me remettre votre lettre et revenir demain matin, je m'informerai de l'heure à laquelle il pourra vous recevoir. Désirez-vous laisser la caisse ?»« De tout mon cœur !» s'écria Silas. Mais aussitôt il regretta sa précipitation et déclara, avec une égale énergie, qu'il préférait emporter sa malle avec lui, à l'hôtel. La foule se moqua de son indécision et le suivit jusqu'à la voiture avec force colibés insultants. Et Silas, couvert de honte et perdu de terreur, supplia les domestiques de le conduire à quelque hôtel tranquille des environs. L'équipage du prince déposa ce malheureux à l'hôtel Craven, dans Craven Street, puis s'éloigna immédiatement, le laissant seul avec les gens de l'hôtel. L'unique chambre vacante, lui dit-on, était un cabinet, au quatrième étage, donnant sur le derrière. À cette espèce de cellule, avec des peines et des plaintes infinies, deux solides porteurs montèrent la malle. Il est superflu d'ajouter que, pendant toute l'ascension, Silas les suivit de près, ne quittant pas leurs talons, et à chaque marche son cœur défaillait. Un simple faux pas, se disait-il, et la caisse peut, en passant par-dessus la rampe, rejeter son fatal contenu, révélé au grand jour sur le pavé du vestibule. Dans sa chambre, il s'assit au pied du lit pour se remettre de l'angoisse qu'il venait de subir. Mais il avait à peine pris cette position qu'il fut épouvanté de nouveau par le mouvement d'un des porteurs qui, à genoux près de la malle, était en train d'en défaire les attaches compliquées. « N'y touchez pas !» s'écria Silas. « Je n'aurai besoin de rien de ce qu'elle renferme pendant mon séjour ici. »« Vous auriez dû la laisser dans le vestibule, alors !» grommela le porteur. « Une malle aussi grosse et aussi lourde qu'une cathédrale !»« Ce que vous avez dedans, je ne peux l'imaginer. Si tout est de l'argent, vous êtes plus riche que moi. »« De l'argent ?» répéta Silas très troublé. « Qu'entendez-vous par « de l'argent » ?»« Je n'ai pas d'argent et vous parlez comme un sot. »« Très bien, capitaine !» répliqua le porteur avec un clignement d'œil. « Personne n'en veut à ce qui vous appartient. » « Je suis aussi sûr que la banque elle-même, » ajouta-t-il. « Mais comme la caisse est lourde, je boirai volontiers quelque chose à la santé de votre seigneurie. » Silas lui présenta deux napoléons, non sans exprimer son regret de l'embarrasser de monnaie étrangère. Et l'homme, grognant encore plus fort et portant ses regards avec mépris de l'argent qu'il faisait sauter dans sa main à la malle monumentale, puis encore de la malle à l'argent, finit par consentir à s'en aller. Depuis tantôt 2 jours, le cadavre était emballé dans la caisse de Silas. À peine fut-il seul que l'infortuné américain approcha son nez de toutes les fentes et de toutes les ouvertures avec l'attention la plus angoissée. Mais le temps était froid et la malle réussissait encore à cacher son abominable secret. Il prit une chaise et médita, la tête ensevelie entre ses mains. À moins qu'il ne fût promptement délivré, toute illusion était impossible, sa perte paraissait certaine. Seul dans une ville étrangère, sans amis ni complices, si la recommandation du docteur lui manquait, il n'avait plus de ressources. Pathétiquement, il repassa dans son esprit ses ambitieux desseins pour l'avenir. Il ne deviendrait plus le héros, l'homme célèbre de sa ville natale, Bangor, Maine. Il ne monterait plus, ainsi qu'il l'avait amoureusement rêvé, de charge en charge et d'honneurs en honneurs. Il pouvait aussi bien abandonner tout de suite l'espoir d'être élu président des États-Unis et de laisser derrière lui une statue, dans le plus mauvais style possible, pour orner le Capitole à Washington. Quelle destinée que celle de cet Américain enchaîné à un Anglais mort et plié en deux au fond d'une malle de Saratoga ! S'il ne réussissait pas à se débarrasser de ce cadavre importun, c'en était fait. Il n'y avait plus la plus petite place pour lui dans les annales des gloires nationales. Je n'oserais pas répéter ses imprécations contre le docteur, l'homme assassiné, Madame Zéphirine, les porteurs de l'hôtel, les serviteurs du prince, en un mot, contre tout ce qui avait été mêlé, même de la façon la plus lointaine, à son horrible infortune. Vers 7 heures, il s'échappa et descendit dîner, mais la salle du restaurant le glaça d'effroi. Les yeux des autres dîneurs semblaient s'arrêter sur lui avec méfiance, et son esprit demeurait obstinément là-haut, près de la malle. Lorsque le garçon vint lui présenter du fromage, ses nerfs étaient tellement excités qu'il sauta en l'air et renversa le reste d'une pinte d'ail sur la nappe. Le garçon lui proposa de le conduire au fumoir. Quoiqu'il eût préféré de beaucoup retourner tout de suite auprès de son dangereux trésor, il n'eut pas le courage de refuser et se laissa conduire dans un sous-sol sans jour, éclairé au gaz, qui servait, et sert peut-être encore, de café à l'hôtel Craven. 2 hommes jouaient tristement au billard, assistés par un marqueur hâve et phtisique. Un moment, Silas crut qu'ils étaient les seuls occupants de la salle. Mais, au second coup d'œil, son regard tomba sur un individu qui, dans un coin, fumait, les yeux baissés, de l'air le plus modeste et le plus respectable. Il se souvint d'avoir déjà rencontré cette figure. Malgré le changement complet de costume, il reconnut l'homme qu'il avait trouvé assis sur la borne de boxe courte et qui avait aidé au transport de sa malle. Aussitôt l'Américain se retourna et, se mettant à courir, ne s'arrêta que lorsqu'il se fut enfermé et verrouillé dans sa chambre. Là, pendant toute la nuit, en proie aux plus terribles imaginations, il veilla auprès de la caisse fatale remplie de chair morte. L'allusion au porteur à sa malle pleine d'or le tenait en émoi, et la présence dans le fumoir, sous un déguisement évident, de l'homme de boxe courte, lui prouvait qu'il était, une fois de plus, le centre de ténébreuses machinations. Minuit était déjà sonné depuis quelque temps, quand Silas, poussé par le soupçon, ouvrit la porte de sa chambre et regarda dans le corridor, faiblement éclairé par un seul bec de gaz. À quelque distance, il aperçut un garçon d'hôtel endormi sur le plancher. Il s'approcha furtivement, à pas de loup, et se pencha sur le dormeur. Celui-ci était couché de côté, son bras droit relevé lui cachant la figure. Tout à coup, il déplaça ce bras et ouvrit les yeux. Silas se trouva de nouveau face à face avec l'espion de boxe courte. « Bonsoir, monsieur, » dit l'homme d'un ton de bonne humeur. Mais Silas était trop profondément impressionné pour trouver une réponse, et il regagna sa chambre, silencieusement. Vers le matin, épuisé par la peur, il s'endormit dans son fauteuil et tomba, la tête en avant, sur la malle. En dépit d'une position aussi contrainte et d'un si hideux oreiller, son sommeil fut long et profond. Il ne fut réveillé qu'à une heure tardive par un coup violent frappé à la porte. Se hâtant d'ouvrir, il vit un domestique qui attendait. « C'est monsieur qui est allé hier à boxe courte ?» demanda celui-ci. Silas, avec un frisson, reconnut qu'il y était allé. « Alors cette lettre est pour vous, » ajouta le domestique, lui présentant une enveloppe cachetée. Silas la déchira précipitamment et y trouva ce mot « midi ». Il fut exact à l'heure dite. La malle fut portée devant lui par plusieurs vigoureux gaillards, et on l'introduisit dans une chambre où un homme se chauffait, assis devant le feu, le dos tourné à la porte. Le bruit de tant de monde entrant et sortant, et le grincement de la malle quand on la déposa sur le plancher, ne réussirent pas à attirer l'attention de celui-ci. Silas attendit debout, dans une véritable agonie, qu'il daigna s'apercevoir de sa présence. 5 minutes peut-être s'écoulèrent avant que se retournât, lentement, le prince Florizel de Bohême. « Ainsi, monsieur, dit-il en interpellant Scudamore avec la plus grande sévérité, c'est de cette manière que vous abusez de ma complaisance. Vous vous joignez à des personnes de qualité dans le seul but d'échapper aux conséquences de vos crimes. Je puis facilement comprendre votre embarras lorsque je vous adressais la parole hier. « Je jure, s'écria Silas, que je suis innocent de tout, si ce n'est de mon infortune. » Là-dessus, d'une voix entrecoupée, avec la plus parfaite ingénuité, il raconta au prince toute l'histoire de ses malheurs. « Je vois que j'ai été induit en erreur, dit Florizel, lorsqu'il eut écouté jusqu'au bout. Vous n'êtes qu'une victime. » Et puisque je ne suis pas forcé de punir, vous pouvez être sûr que je ferai mes efforts pour vous aider. Maintenant, continua-t-il, à l'œuvre, ouvrez immédiatement votre caisse et laissez-moi voir ce qu'elle contient. Silas changea de couleur et gémit tout bas. J'ose à peine. Quoi ? Répliqua le prince. Vous ne l'avez pas déjà regardé ? Ceci est une espèce de sensiblerie à laquelle il faut résister, monsieur. La vue d'un malade que l'on peut secourir doit nous émouvoir plus fortement que celle d'un mort, auquel on ne peut plus faire ni bien ni mal. Commandez à vos nerfs. » Et voyant que Silas hésitait de plus belle, « Je voudrais cependant ne pas être obligé de donner un autre nom à ma requête, » ajouta-t-il. Le jeune Américain se réveilla comme d'un rêve et, avec un frisson d'horreur, se mit à ouvrir la serrure de sa malle. Le prince se tenait auprès de lui, le surveillant d'un air calme, les mains derrière le dos. Le corps était complètement raidi et il fallut à Silas un grand effort, à la fois physique et moral, pour le déloger de sa position et découvrir le visage. Aussitôt Florizel recula, en jetant une exclamation de douloureuse surprise. « Hélas !» s'écria-t-il. « Vous ne savez pas quel présent cruel vous m'apportez. Ceci est un jeune homme de ma propre suite, le frère de mon plus fidèle ami, et c'est dans une affaire relevant de mon service qu'il a péri par les mains de malfaiteurs infâmes. Pauvre Géraldine !» continua-t-il, comme s'il se fût parlé à lui-même, « dans quels termes vous apprendrai-je le sort de votre frère ? Comment pourrais-je m'excuser à vos yeux et aux yeux de Dieu des projets présomptueux qui l'ont mené à cette mort sanglante et prématurée ? Ah, Florizel, Florizel ! Quand apprendrez-vous la prudence qu'il faut dans cette vie mortelle ? Quand ne serez-vous plus ébloui par le fantôme de puissance qui est à votre disposition ? La puissance ! S'écria-t-il. Qui donc est plus impuissant que moi ? Je regarde ce jeune homme que j'ai sacrifié, oui, sacrifié, monsieur Scudamore. Et je sens combien c'est peu de chose que d'être prince. L'Américain, très ému, essaya de balbutier quelques paroles de consolation et fondit en larmes. Florizel, touché de sa bonne intention évidente, se rapprocha et lui prit la main. « Calmez-vous, dit-il, nous avons tous deux beaucoup à apprendre, et tous deux nous deviendrons, je gage, meilleurs par suite de notre entrevue d'aujourd'hui. » Silas remercia silencieusement d'un regard affectueux. « Écrivez-moi l'adresse du docteur Noël sur ce morceau de papier, continua le prince. » Et laissez-moi vous recommander d'éviter la société de cet homme dangereux lorsque vous serez de retour à Paris. Dans cette affaire, cependant, il a, je crois, agi d'après une inspiration généreuse. S'il eût été complice de la mort du jeune Géraldine, il n'aurait jamais expédié son cadavre à l'assassin lui-même. « À l'assassin lui-même ? » répéta Silas, stupéfait. « C'est ainsi. » reprit le prince. Cette lettre, que la volonté de Dieu a si étrangement fait tomber entre mes mains, était adressée à un homme qui n'est autre que le criminel en personne, l'infâme président du Suicide Club. Ne cherchez pas à pénétrer plus profondément dans ces périlleux labyrinthes. Contentez-vous d'avoir miraculeusement échappé et quitté cette maison sans perdre une minute. J'ai des affaires pressantes. Je dois m'occuper tout de suite de cette pauvre dépouille qui, il y a si peu de temps encore, était le corps bien vivant d'un beau et noble jeune homme. Silas prit congé du prince Florizel avec gratitude et déférence, mais, poussé par sa curiosité ordinaire, il s'attarda dans Boxcourt jusqu'à ce qu'il l'eût vu s'éloigner en équipage, se rendant chez le colonel Henderson de la police. Républicain comme il l'était, ce fut avec un sentiment presque de dévotion que le jeune Américain ôta son chapeau pendant que la voiture disparaissait. Et, le soir même, il prit le train pour retourner à Paris. « Voilà, fit observer mon auteur arabe, la fin de l'histoire d'un médecin et d'une malle. » Passons sous silence quelques réflexions sur la toute-puissante intervention de la Providence, très convenable dans l'original, mais peu appropriée à notre goût d'Occident, j'ajouterai que M. Scudamore a déjà commencé à monter les degrés de la renommée politique et que, d'après les dernières nouvelles, il était shérif de sa ville natale.